Radiomatic. amorcer la transmission 5-6-3 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter le groupe anglais Pine, qui s'orthographie P-I-J-N, de son album From Low Beams of Hope, qui est paru en 2024. Nous écoutions la pièce A Thousand Tired Lives. Et maintenant, c'est au tour de la formation finlandaise Virta d'assurer la continuité à Audiomatic. avions droit à audiomatique au groupe français Lost in Kiev de son deuxième album Nuit Noire lancé en 2016. Nous entendions la pièce Immersion. Et pour débuter ce bloc musical, nous avions droit à la formation finlandaise Virta de son deuxième album Urmos sorti en 2016. Nous avons diffusé la pièce On the Run. Audiomatic se poursuit à l'instant avec le groupe belge Whispering Suns. How you feeling? Audiomatique, nous venons tout juste d'entendre le projet belge Brisky, mené par Gert Koinen, de son deuxième album Scarlet Roadhouse, paru en 2006. Il nous présentait la pièce La Stupenza. Précédemment à Brisky, nous vous avons offert la musique du groupe belge Whispering Sons, de son premier album studio, paru en 2018 et intitulé Image. nous avons entendu la chanson « Got a Light ». En conclusion de cette transmission 5-6-3 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre la formation norvégienne Spur, qui s'orthographie S-P-U-R-V, de son premier album Skarndude, qui s'orthographie S-K-A-R-N-T-Y-D-E. Lancé en 2015, nous entendrons la pièce Vulfor er de Noa Oa Ike Inge Enting. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici Spur avec la pièce « Vulfor er de Noa Oa Ike Ingenting ». C'était Audiomatic avec les sonoristes.